Quoi ? Ne voyaient-ils pas que le veau ne leur rendait aucune parole et qu'ils ne possédaient aucun moyen de leur nuire ou de leur faire du bien ?